صلوات ربي عليه السلام لا بار ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté à la dimension de nous rappeler le tawhid. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pardonne pas le shirk. Il pardonne à qui il veut, mais ceci il ne le pardonne pas. Et ça c'est la plus haute étape. Puis il y a une deuxième étape, c'est celle dont je viens de parler, le pouvoir. Mais il y en a une autre. Le prophète alayhi sallam disait أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. Ce que je crains le plus pour vous, c'est le petit shirk, la petite association. وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ Qu'est-ce que ce petit shirk dont tu nous parles? Regardez le prophète صلى الله عليه وسلم. L'ostentation. Et vous savez ce que c'est que l'ostentation? C'est quand, dans ta vie personnelle, tu dis que tu es pour la ilaha illallah, mais tu agis surtout pour le regard des hommes. Alladhina hum yura'un, ceux qui montent.